Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Les rencontres du ciel et de l'espace fêtent cette année leur 10e édition. Pendant 3 jours, les 11, 12 et 13 novembre, la Cité des sciences et de l'industrie à la Villette accueillera chercheurs, scientifiques, amateurs, exposants et bien sûr le grand public pour un grand moment de partage autour de l'astronomie. Plus de 30 conférences scientifiques, une centaine d'ateliers, de tables rondes et de forums thématiques, des séances de dédicaces, une grande braderie de l'astro. Le programme cette année encore est très riche. Alors, quels seront les temps forts de cette 10e édition? Comment préparer sa visite pour profiter au mieux de ces rencontres? Éric Piennoël, directeur des réseaux et animations de l'Association française d'astronomie et grand organisateur de cet événement, est notre invité. Éric Piennoël, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez déjà essayé de suivre l'intégralité du programme des rencontres? Parce que là, je viens de le déplier devant moi et je me dis, c'est impossible. C'est impossible. C'est le principe même des rencontres, c'est-à-dire générer de la frustration. Comme ça, vous revenez 2 ans après. Donc, l'idée, c'est vraiment que les gens se fidélisent. Effectivement, l'astronomie, l'actualité de l'astronomie est très, très riche. Bon, cette année encore, le programme est alléchant. Rien qu'en parcourant, juste en se limitant aux conférences scientifiques, il y en a plus d'une trentaine. Je vois les noms d'Hubert Reeves, Jean-Pierre Luminet, Aurélien Barreau, Jean-Jacques Dordain qui a dirigé l'Agence spatiale européenne. Comment chaque année vous décidez de la programmation de ces rencontres? Alors il y a en gros trois phases. À la fois le respect de l'actualité, c'est-à-dire essayer de coller à l'actualité scientifique du moment. Il y a aussi l'opportunité en tout cas d'essayer de travailler sur le long, sur du fond. Essayer de sortir les sujets de fond pour faire un état des lieux, on va dire l'état de l'art, comme on dit. Et ensuite, essayer de toucher tous les publics, c'est-à-dire du néophyte à celui qui maîtrise beaucoup. Alors, on a des têtes d'affiche, vous parliez de sujets de fond. URIS va nous parler de la formation des atomes dans les étoiles. On sait que c'était historiquement son sujet de recherche. Jean-Pierre Luminet va nous parler des trous noirs, là aussi, un spécialiste pour nous parler de ce sujet. On a de l'actu, j'ai vu que Jean-Pierre Bibring, qui était donc un des responsables de la mission Rosetta, et en particulier de l'atterrisseur Philae, dont on a suivi les aventures, viendra faire une conférence aussi. Tout à fait, sa conférence est samedi, fera le point sur l'aventure de Rosetta, et on a une deuxième conférence aussi d'Airbus Industries qui viendra nous raconter le défi technologique de Rosetta. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des aventures scientifiques et technologiques. Pour les passionnés de techno, il y a aussi de quoi faire. Je vois une conférence dimanche à 13h30 sur le Space Tug. C'est les projets de remorqueurs spatiaux électriques. Tout un tas de projets qui naissent comme ça dans l'industrie du spatial. Oui. L'idée est vraiment de dresser l'état des lieux des activités spatiales et également d'essayer d'avoir des sujets d'ouverture. Donc on fait à la fois un débat, par exemple, samedi sur l'avenir de l'espace. Donc là, pour le compte, avec beaucoup de choses qui bougent en ce moment. Exactement. Et puis également des nouveaux projets comme Space Tug et toutes les big bangs de l'innovation spatiale aussi, parce qu'avec le très haut débit, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passe en ce moment. Alors, ces astronomes qui seront donc présents sur le salon pendant ces 3 jours dédicaceront pour certains d'entre eux leur ouvrage à cette occasion. Vous avez déjà à peu près les noms des astronomes? Je crois que tous ceux qui écrivent aujourd'hui vont dédicacer, donc en particulier Luminet, Hélène Courtois. On retrouvera également Galfard qui viendra signer son dernier ouvrage. Enfin, c'est une occasion, les rencontres, c'est vraiment une occasion de rencontre, justement. Donc, à la fois en conférence, mais également lors de signatures pour avoir en fait un échange plus direct, plus accessible avec les auteurs et les scientifiques. C'est un peu un des moments où on peut aller à la rencontre des chercheurs. On n'est pas obligé d'aller dans leur labo pour aller les voir, mais ils peuvent aussi venir à notre rencontre. Exactement, oui, c'est le principe des rencontres. Ouais. C'est vraiment qu'on mixte les publics et là, on peut, au hasard d'une conférence, au hasard d'un couloir, d'un café, autour d'un café, rencontrer un chercheur, discuter avec lui du sujet de sa thèse ou en tout cas du sujet de sa recherche. J'ai noté aussi dans le programme une cérémonie de remise des prix, c'est le samedi 12 novembre à 18h30, remise des prix du PNA 2016. Qu'est-ce que c'est que le PNA 2016? Alors le PNA, c'est un grand concours que l'AFA organise depuis déjà 2 ou 3 éditions de Photon Escape Award, c'est-à-dire la remise des prix officiels de 3 concours photographiques de paysages célestes. Donc on a de très beaux lots et donc là c'est un prix international, donc là on doit avoir 400 images qui sont venues à peu près partout de tout le monde. Et à la fois sur les timelapses, à la fois sur du paysage nocturne urbain, à la fois sur du paysage nocturne non urbain, pour le compte, avec des très beaux remises de prix, dont un dessin sans Nikon pour ceux qui connaissent, et également des voyages à La Silla ou encore un voyage à la réserve noire du Portugal. Donc c'est l'occasion de voir de belles photos et de savoir un peu, c'est vraiment la production, disons, mondiale, on va dire, sur les paysages célestes. Céleste. Exactement. Et une remise de prix à cette occasion. Bah, la Cité des Sciences. La Cité des Sciences, tout à fait. Avec une très belle exposition aussi. Avec une très belle exposition qui sera aussi dans à les... À l'entrée des rencontres et également autour du planétarium de la Cité. D'accord, on le sait, l'astronomie, c'est aussi beaucoup de contemplation. Alors, il y aura aussi des tables rondes, des dizaines d'ateliers, 5 salles en parallèle, en fait, avec donc, je vais vous lister, plus d'une centaine d'ateliers. Là aussi, c'est absolument incroyable. À qui s'adressent ces ateliers ? Alors, les ateliers s'adressent à tout type de public, à la fois, on va dire, des amateurs très pointus, il y a des sujets assez ardus, on va dire, en particulier sur la recherche de SNE, sur de la technologie technique autour de l'instrumentation ou des caméras CCD. Donc là, c'est pour améliorer sa pratique, là, c'est vraiment la communauté des astronomes amateurs qui vient pour un petit peu échanger sur leur pratique. Échanger des connaissances, mais également essayer de déterminer comment on peut contribuer à la science. Donc il y a pas mal de sujets autour des sciences participatives, en particulier en astronomie. J'ai noté une table ronde d'ailleurs à ce sujet, c'est le vendredi à 14h sur la collaboration pro-amateur en sciences participatives. C'est quelque chose qui monte en ce moment ? Alors c'est quelque chose, en tout cas, je ne sais pas si ça monte vraiment, mais en tout cas, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de possibilités aux amateurs, en tout cas, de contribuer à la recherche, en particulier autour des exoplanètes, mais également sur des recherches planétaires. Donc oui, c'est un sujet qui intéresse en tout cas tous ceux qui techniquement ont le matériel, et il y a beaucoup d'observatoires prééquipés en tout cas avec des caméras CCD, avec de l'électronique, et les sujets deviennent de plus en plus intéressants et on peut aller de plus en plus loin en tout cas et contribuer réellement à la recherche en tout cas. Donc là ça peut être l'occasion pour si on a certains auditeurs qui nous écoutent qui commencent à être un petit peu pointus disons dans leur pratique, au lieu de rester isolés, on peut aussi contribuer à la science, ça peut être aussi un intérêt particulier, et il faut venir à cette table ronde samedi à 14h. Alors il n'y a pas que des choses très pointues quand même. Non, alors en fait c'est, les rencontres c'est l'ensemble des panoramas, on va dire, de ce qu'on peut faire aujourd'hui en activité astronomique de loisir. Donc il y a aussi des pratiques très, très faciles comme la photographie, alors, avec un simple boîtier justement de photographie de paysage nocturne, à de la pratique plus pointue de la recherche en tout cas de photographie de satellites. Donc il y a en particulier Thierry Legault qui fait ça très très bien. On passe d'ailleurs régulièrement dans Ciel Espace ces images qui sont à chaque fois assez bluffantes. Ahurissantes, effectivement. Et puis également des sujets plutôt sur l'histoire, des sujets autour de l'éducation et comment on fait passer sa passion sur l'astronomie. Des sujets aussi autour de la technique, c'est-à-dire les nouveautés du matériel astronomique, les capacités des nouveaux capteurs, et également des sujets, alors là, beaucoup plus transversaux, qui sont sur l'histoire de l'astro en particulier. Alors vous annoncez aussi une soixantaine d'exposants, parce que les rencontres du ciel et de l'espace, c'est des conférences, des tables rondes, on l'a compris, mais c'est aussi éventuellement l'occasion de découvrir un peu le matériel, le nouveau matériel, et éventuellement d'acheter des oculaires ou des télescopes. C'est aussi une grande galerie marchande dédiée à l'astronomie ? Alors, je crois que c'est même la plus grande galerie marchande qui existe aujourd'hui, en tout cas en France, à cette occasion-là. On a tous les fabricants, pratiquement tous les importateurs de matériel astronomique, mais également des destinations comme les Baronnies ou en tout cas la Ferme des Étoiles, par exemple, ou le Pic du Midi qui viennent nous voir, ou la Cité de l'Espace, pour ne citer qu'eux. Mais également, effectivement, tous les importateurs de matériel. Donc on trouve à la fois Unterlinden, la maison Médas et également Bresser qui viennent nous présenter leurs nouveautés, leur matériel. Donc là, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et avant Noël, c'est peut-être l'occasion en tout cas de venir découvrir les nouveautés. Ça peut donner des idées. Et on voit toujours d'ailleurs des télescopes incroyables et des nouveautés qui font effectivement saliver. D'ailleurs, il y a aussi une braderie, c'est-à-dire que c'est aussi l'occasion pour les gens d'échanger, enfin de vendre en tout cas, leur matériel. Oui, c'est un moment un peu particulier des rencontres le dimanche matin, du coup, où les exposants, mais également le public, les invités, on va dire, aux rencontres, peuvent venir vendre leur propre matériel d'occasion, évidemment, et puis c'est le moment assez unique pour faire des affaires, on va dire, à cette occasion-là. Et puis je voulais souligner aussi, parce que ça c'est une particularité de cette année, c'est qu'on a plusieurs importateurs de plusieurs pays, c'est-à-dire que les rencontres deviennent vraiment une manifestation européenne, puisqu'on a deux importateurs allemands, on a un importateur polonais qui viennent et italien. Donc les rencontres sont en train vraiment de devenir une opération européenne. On a vu que c'était des sujets liés à l'astronomie. Est-ce qu'on peut venir en famille ? Est-ce que si on vient avec des enfants, On a des choses à faire ? Alors, directement en rencontre, peut-être pas. Ou alors des passionnés, des adolescents. Mais la particularité des rencontres aujourd'hui, depuis 3-4 éditions, c'est d'avoir un billet couplé avec la Cité des Sciences. C'est-à-dire que vous pouvez venir visiter l'exposition, aller à la Cité des Enfants, voir le planétarium et également écouter des conférences. Donc, c'est l'offre intégrale de la Cité dédiée à l'astronomie qu'on vous propose. Ça veut dire que moi, si je suis passionné d'astronomie, mais que ma femme et mes enfants ne partagent pas à ce point cette passion, je peux quand même aller écouter des conférences et éventuellement, mes enfants, ils peuvent aller voir Explora ou le planétarium, par exemple. Exactement, complètement. Alors, on sait bien que tous les amoureux du ciel ne pourront pas venir parce que c'est à Paris et que ça peut être loin pour beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a un moyen de suivre cet événement ou d'en avoir un écho, par exemple, sur les réseaux sociaux ? Alors, sur les réseaux sociaux, on est sur le hashtag RCE 2016. Nous produirons quelques vidéos, pendant, en particulier des interviews de 5 minutes des principaux conférenciers, on va dire. Et puis, nouveauté, on va filmer les deux salles principales de conférences, donc les 30 conférences, que nous remettrons ensuite au fur et à mesure, durant l'année en tout cas, soit sur le site de Ciel et Espace, soit sur le site de l'AFA. Certaines seront sans doute réservées aux abonnés et d'autres plus ouvertes. On peut en profiter d'ailleurs pour rappeler les adresses des sites web pour Ciel et Espace, c'est www.cielespace.fr. Pour l'AFA AFAAstronomie.fr, AFAAstronomie.fr. Alors pour le moment, c'est encore tous les deux ans, les rencontres du ciel et de l'espace. C'est un succès, mais encore une fois, c'est une année sur deux à Paris. Est-ce que vous avez déjà songé d'organiser l'équivalent en province ? Oui, on a même eu cette expérience-là pendant plusieurs années, en tout cas de 2003, je crois, jusqu'à 2011. À Mandelieu-la-Lapoule, à côté de Cannes. Évidemment, c'est une opération qu'on aimerait bien reproduire régulièrement, parce que à la fois, le faire qu'à Paris tous les deux ans est un peu frustrant pour les uns, pour les autres. Mais pour le compte, il faut qu'on trouve une collectivité territoriale qui participe avec nous, parce que c'est une opération tellement lourde, économiquement, techniquement, qu'on ne peut pas l'improviser, en tout cas, quelque part. Donc, je profite de ce message, en tout cas, pour faire un appel du pied, comme on dit. S'il y avait une collectivité territoriale qui voulait nous soutenir, nous pourrions envisager de le faire pendant les années impaires. L'astronomie est une science bien vivante et qui touche beaucoup de monde. Donc effectivement, il pourrait y avoir un maire qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup Éric Piennoël pour votre participation à cette émission de Ciel Espace Radio. Elle était réalisée par Nicolas Franco et présentée par David Fossé. Rendez-vous les 11, 12 et 13 novembre à la Cité des Sciences et d'Industrie pour les 10e rencontres du ciel et de l'espace.